stylo habille les mots, Léo, pour qu'ils aient un peu plus chaud. Là-bas, Léa. Mais la nuit, il y a dans ta tête des milliers de corbeaux pas beaux. Léo, et les mots coulent si ton crayon à papier dans l'eau de là. Léa, laisse le silence parler à la place des lettres et tu verras peut-être le vrai du faux, Léo. Je ne sais pas ce que tu lis, Léa, mais moi je lis littérature, Léo. Tu ne sais plus ce que tu dis, Léa. Tu divagues et tu te noies comme un bateau, Léo. Tu ne sais pas où il s'en va, Léa. Tu ne sais pas ce qu'il lui faut, Léo. Tu ne sais pas si elle te voit, Léa. Tu ne sais plus ce que tu vaux, Léo. Tu déploies la plume de ton stylo pour elle, Léo. Ton cœur bat des ailes quand tu vois ta belle en bas, Léa. T'allumes le son silencieux des mots avec tes doigts, Léo. Mais elle dit que le ciel, il est haut, Léa. Léa, qu'elle n'entend pas quand tu lui dis des mots d'amour, des mots de joie. Léa, elle pleure souvent à flot pour toi, seule dans son coin, depuis que t'es parti au loin, que t'es parti trop tôt, Léo. Tu ne sais plus ce qu'est la vie, Léa, parce que sans lui, plus rien n'est beau, Léo. Léo, tu ne sais plus ce que tu vis, Léa, t'aimerais le retrouver bientôt, Léo. Et le vent se met à souffler, Léa. Un souffle léger dans ton dos, Léo. C'est lui qui t'envoie ses pensées, Léa. Il ne fait pas vraiment dodo, Léo. Il ne fait pas vraiment dodo, Léo.